Deuxième partie, chapitre troisième de l'introduction à la vie des votes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie des votes par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre troisième de l'invocation. Second point de la préparation. L'invocation se fait en cette manière. Votre âme, se sentant bien présente à Dieu, doit se laisser pénétrer d'une grande vénération et se juger absolument indigne de sa présence. Et néanmoins, sachant que Dieu le veut ainsi, demandez-lui la grâce de le glorifier en cette méditation. Si vous le voulez, vous pouvez user de quelques paroles courtes et enflammées comme celles-ci qui sont du prophète royal. Ne me rejetez point, ô mon Dieu, de devant votre face, et ne m'ôtez pas votre Saint-Esprit. Répandez la lumière de vos yeux sur cette âme dévouée à votre service, et je considérerai vos merveilles. Donnez-moi à comprendre votre loi, et je l'observerai de tout mon cœur. Il est encore fort utile d'invoquer votre saint ange gardien, et les saintes personnes qui auront eu quelque part au mystère que vous méditerez, comme dans la méditation de la mort de notre Seigneur, de la Sainte Vierge, Saint Jean, Sainte Madeleine et les autres saints ou saintes, les priant de vous communiquer les sentiments qu'ils y eurent, ou bien dans la méditation de votre propre mort, votre saint ange gardien qui y sera présent, et il faut observer cela dans tous les autres mystères ou sujets d'oraison. Fin du chapitre troisième. Deuxième partie.